dire. Du 3-8 au 8-1, dynamite à liche, son envie, une Grenoble à Albi. Et moi sur ma vie, dans ma vie j'suis pas riche. T'as faut tant pour le mien que pour l'album à Alish. À chaque titre, j'creuse ma tête, j'buzz ma name. Dynamite, j'viens de Grudge, déjà pour eux faut que j'baise la tape. Baisse ta tête ou j'te baisse ta mère. Ah ouais c'est son vocabulaire, mais les devs petit frère. Ils voulaient faire commercial, vous l'avez dit ouvrier. Ouvrez les portes de ses rêves avant qu'ils finissent par vriller. Sur ma vie, c'est à eux qu'il faut penser. Leur parler, pas qu'ils reproduisent toutes nos erreurs du passé. J'suis lassé, voix des frères avec le chétan sans lacet. Habitué des GAV, ça rentre au quartier sans lacet. Mais lacet, chaque jour de pire en pire. J'peux pas dire que le monde s'arrange, au mac je ne sais pas mentir. En fait moi c'est dynamite, j'connais pas, attends un peu. Mon son va résonner comme le bruit d'un pont. On a des rêves, on les réalise un pire. On a tous les mêmes, de Grenoble à Albi. Nos parents nous élèvent, mais la vie nous abîme. C'est la course en l'enlevé, le jeu nous allie. On a des rêves, on les réalise un pire. On a tous les mêmes, de Grenoble à Albi. Nos parents nous élèvent, mais la rue nous abîme. C'est la course en l'enlevé, le jeu nous allie. Je dégaine et ça me fait du bien. Sur papier, je me vide la tête, frangin. A-L-I, dynamite, sur nos vies. J'te jure que de nos jours rien n'est facile. Les mauvais coups fusillent, j'perds peu à peu le fil. Orienté au rap français, rime sur rime, toujours là pour représenter la panocité, pas là pour plaisanter. J'te jure que sur ma vie refrain, y'a rien à dire à part qu'elle est pas passionnante. Et j'm'efforce à trouver la solution, en évitant de partir trop charbon. Une nouvelle page s'écrit en 2010 avec un street et on fit avec le 38. Faut que je m'arrache d'ici, je suis en mode puissance 10. On a des rêves, on les réalise un pire. On a tous les mêmes, de Grenoble à Albi. Nos parents nous élèvent, mais la rue nous abîme. C'est la course en l'enlever, le jeu nous allie. On a des rêves, on les réalise un pire. On a tous les mêmes, de Grenoble à Albi. Nos parents nous élèvent, mais la rue nous abîme. C'est la course en l'enlever, le jeu nous allie. Je dégaine sur le beat, je dégaine dans la vibe, je dégaine sur le hit, je dégaine sans faire de bide. Ici c'est la crise, même si je te méprise, ferme ta bouche ou c'est la cour d'assises. Ça y est, comme une lame de couteau, je prends le mic et je lui casse le dos. Allez, je rentre dans l'arène, ne te prends pas la tête, ça sert à rien, t'arriveras jamais à me test. Allô, allô. Voilà du vrai rap français qui tourne enfin dans tous les quartiers. Et c'est ça, la vérité de la cité. Shit, alcool, galère et aspect. On s'en balèque, moi je frappe sec. Un papier, un instru et je dégomme sec. Mademoiselle et bonhomme, soyez solidaires. Je reviens plus fort pour les sœurs et frères. On a des rêves, on les réalise un pire. On a tous les mêmes, de Grenoble à Albi. Nos parents nous élèvent et la rue nous abîme. La course en l'enlever, le jeu nous allie. On a des rêves, on les réalise un pire. On a tous les mêmes, de Grenoble à Albi. Nos parents nous élèvent et la vie nous abîme. La course en l'enlever, le jeu nous allie. On a des rêves, on les réalise un pire. On a tous les mêmes, de Grenoble à Albi. Nos parents nous élèvent et la vie nous abîme. La course en l'enlever, le jeu nous allie.